Composition chimique. Le grand enthousiasme qui, depuis des siècles, ou plutôt des millénaires, a toujours caractérisé l'emploi de l'aloe pour des motivations alimentaires ou thérapeutiques, a provoqué une large diffusion de cette plante officinale dans la médecine populaire, même en l'absence, jusqu'à il y a quelques décennies, de précises informations sur son exacte composition chimique. Seulement à partir des années 40, sur la foulée des résultats positifs obtenus de plus en plus fréquemment sur le plan thérapeutique, une intense et systématique activité de recherche analytique a été amorcée, permettant d'établir qualitativement et quantitativement les diverses propriétés moléculaires et les caractéristiques chimico-physiques et biochimiques nutritionnelles de l'aloe. En particulier pour les variétés aloe vera et aloe arborescent. Le travail scientifique de recherche dans ce domaine s'est accru de façon exponentielle jusqu'à nos jours, dans le but de dévoiler complètement la complexe composition de cette plante en molécules organiques naturelles et surtout, les propriétés thérapeutiques individuelles, là où elles existent, de chacune des molécules qui entrent à faire partie de la copieuse collection présente dans cette plante. Cette richesse en molécules est une caractéristique exceptionnelle de l'aloe par rapport à l'ensemble des plantes officinales. De récentes recherches ont permis d'enrichir les connaissances sur la composition chimique de l'aloe. Les résultats de celles-ci indiquent que l'aloe est constitué d'un vaste éventail de composés, qui peuvent tout être rangés en trois grands groupes, A, hydrates de carbone, parmi lesquels se distinguent les polysaccharides et finimanènes, acémanènes, composants du gel. Avec des propriétés d'immunomodulation, B, une nombreuse famille d'anthraquinonées de substances phénoliques présentes dans la cuticule de la feuille, A, action laxative et dépurative, mais aussi antitumorale, anti-inflammatoire, analgésique et antimicrobienne, C, molécules d'importance nutritionnelle et fonctionnelle, comme sels minéraux, vitamines, aminoacides, acides organiques. Lipides et enzymes. Une caractéristique vision générale de la composition moyenne en pourcentage de la plante d'aloe est présente sur le tableau 1. Ces valeurs, exprimées en pourcentage de substances sèches, illustrent uniquement la composition bromatologique de la plante, sans l'indication des soi-disant molécules organiques naturelles aux caractéristiques chimiques les plus diverses, présentes en pourcentage très faible, mais qui représentent les vrais principes actifs, biologiquement efficaces et caractéristiques pour la plus grande partie des espèces d'aloe. Tableau 1. Composition chimique de l'aloe vera. Chaque composant est exprimé en pourcentage du poids de la substance sèche, pourcent SS. Constituant pourcent SS. Lipides 3,8 protéines 7,0 glucides solubles 11,6 fibres alimentaires 59,1 cendres 14,4 calcium 5,1 magnésium 0,8 sodium 1,9 potassium 3,1 fer 0,04 cuivre 0,02 zinc 0,02. Le composant majeur, non présent sur le tableau, mais qui caractérise la composition de la plante, est l'eau. Elle constitue un pourcentage moyen d'environ 96% du poids, irait et est distribuée pour les 90% environ dans la cuticule, et pour les 98% dans le filet de la feuille, alors que dans le jus elle atteint les 99% environ. Dans la substance sèche, les lipides et les protéines représentent les fractions mineures, avec respectivement les 3,8% et le 0,7%. La quantité d'hydrates de carbone est importante car elle constitue les 60% environ du poids sec et se distribue pour les 11,6% dans la fraction de monosaccharides solubles et pour les 59,1% dans la fraction indiquée, comme fibre alimentaire est constituée d'HMO et hétéropolysaccharides non digestibles ou partiellement digestibles. Le contenu en cendres est relativement élevé, car il représente les 14,8% du poids sec de la feuille, desquels les 8,1% environ sont les éléments minéraux plus significatifs cités sur le tableau. Les hydrates de carbone de l'aloe. Les hydrates de carbone, glucides, sont les molécules organiques les plus diffuses sur la planète. Elles sont particulièrement présentes dans le monde végétal où toutes les plantes présentent, qualitativement, un pool assez semblable, alors que certaines d'entre elles se différencient par la plus grande présence de molécules spécifiques de nature glucidique. Monosaccharides dans l'aloe, sont présents des glucides simples, en particulier glucose et mannose dans un pourcentage qui varie des 11,2% de la SS, dans la cuticule, au 16,5% de la SS dans le filet, et au 26,8% de la SS dans le jus. Le glucose représente plus des 95% de toute la part de glucides solubles de la plante, la fraction restante est constituée par d'autres types de glucides de faible importance du point de vue quantitatif. Le glucose est le nutriment de nature glucidique métaboliquement utilisé par notre organisme, et il est important car il constitue le nutriment fondamental à partir duquel est produite l'énergie. Polysaccharides. De nombreux types de polysaccharides sont présents en concentration élevée dans l'aloe. Ils présentent comme unité de base de la chaîne polysaccharidique A, mannosacétylée et de petites quantités de galactose qui constituent les mannanes, acémanane, et B, glucose, xylose, arabinose, acide uronique qui constituent ensemble des homo- et hétéropolysaccharides comme les hémicelluloses. La cellulose et les pectines. Ce complexe de molécules de nature glucidique, ensemble à la lignine également présente, constitue un pourcentage qui varie des 62,4% de l'ASS de la cuticule, au 57,6% de l'ASS du filet, et au 35,5% de l'ASS dans le gel de l'aloe. Le polysaccharide le plus important, non seulement du point de vue quantitatif, mais surtout du point de vue de l'activité phytothérapique, est la sémanène, présente en pourcentage majeur dans la paroi cellulaire des cellules du filet. Les polysaccharides de l'aloe sont importants dans l'industrie cosmétique et phytopharmaceutique pour leurs spécifiques propriétés. Dans l'utilisation topique, ces macromolécules assurent un juste apport d'eau à la peau, au niveau de laquelle elles forment une fine couche semi-perméable, qui produit un effet hydratant, laissant la peau elle-même douce et élastique. Quand ils sont pris par voie orale, les mannanes possèdent également l'importante propriété de ne pas être digérées par l'estomac, mais d'être absorbées comme telles par la muqueuse intestinale, rejoignant le compartiment vasculaire, encore intègre. Ils sont en mesure d'augmenter les défenses immunitaires de l'organisme, en activant les macrophages, cellules dotées d'activités phagocytiques, capables d'éliminer toxines et matériaux étrangers à l'organisme. La sémanane est dotée d'activités bactéricides, germicides et antifongiques et en outre, pour sa propriété de former le gel, il est en mesure de protéger la muqueuse gastrique et intestinale contre l'action nuisible de certains agents, comme l'acide chlorhydrique du suc gastrique. Les molécules de nature anthraquinonique et phénolique. Les molécules comprises dans le terme chimique d'anthraquinone constituent un vaste groupe de substances diffuses dans les végétaux. Ces molécules possèdent une vaste gamme de propriétés pharmacologiques. L'action régulatrice sur la motilité intestinale est explicitement reconnue, se manifestant par une augmentation du péristaltisme et un effet laxatif dont l'intensité dépend de la structure et de la quantité des molécules impliquées pouvant être présentes à divers niveaux. Dans les nombreuses variétés d'aloe, l'aloe hémodine, l'aloïne, l'acide aloétique, l'anthranol, l'acide trisophanique et le résistanol. Tous ces produits sont connus dans la pharmacopée et sont utilisés pour réaliser des préparations laxatives et digestives. Dans le cas d'individus particulièrement sensibles, à dosage élevé et dans les phases initiales d'emploi de l'aloe vera, des épisodes de diarrhée peuvent se manifester. Cependant, après quelques jours de poursuite du traitement, ce phénomène tend à s'atténuer, pour disparaître ensuite. Pour cette raison, certains producteurs de préparations à base d'aloe vera à usage alimentaire privent le gel d'aloe de la fraction d'anthraquinone au moyen de filtres à charbon actif. Il faut noter pourtant qu'avec ce processus, on enlève à la préparation un composant doté d'extraordinaires propriétés curatives, en l'occurrence, la propriété des anthraquinones de moduler les différents choix physiologiques que l'organisme peut mettre en action pour se dépurer lui-même. Pour éliminer cet inconvénient dû à l'emploi de filtres au charbon, il serait souhaitable de conserver la fraction d'anthraquinone dans les préparations, contrôlant toutefois leur exact niveau de présence. On pourra ainsi utiliser les importantes propriétés antibactériennes et antivirales, avec de possibles effets cytotoxiques et antitumoraux, caractéristiques des molécules d'anthraquinone. La fraction de molécules de nature phénolique à effet antioxydant comprend les dérivés de l'acide cinnamique, les molécules avec structure de la cumarine, les flavonoïdes, les acides organiques polyfonctionnels et les tocopherols. Ces molécules jouent des rôles importants lorsqu'elles s'opposent à l'action des radicaux libéraux et d'espèces réactives de l'oxygène, responsables de nombreux effets négatifs sur l'organisme, comme par exemple le vieillissement cellulaire, pour n'en citer qu'un seul. Acide aloétique. Cette molécule, un hydroxyméthylanthraquinone conjugué avec un monos, dérive de l'aloe hémodine, et présente une action antibiotique naturelle, surtout en association avec les autres anthraquinones présentes dans l'aloe. Acide cinnamique. Produit chimique doté d'une intense activité antibiotique, antibactérienne et germicide, il est efficace contre diverses bactéries, comme celles du genre salmonelle, les streptocoques et les staphylocoques. Il a été également démontré son activité d'inhibition de la bactérie qui est la cause d'ulcère peptique, Helicobacter pylori. Les propriétés phytothérapiques de cette molécule de nature phénolique s'étendent aussi au traitement du processus inflammatoire et à la défense contre radiation UV. Acide trisophanique. Il s'agit d'une autre molécule d'anthraquinone qui présente des propriétés semblables à celles décrites pour ce groupe de molécules. C'est un bon agent dépuratif, diurétique et laxatif, avec des propriétés eupeptiques et tonifiantes, aloe et hémodine. C'est une molécule d'anthraquinone, chimiquement, une hydroxyanthraquinone, qui naît de l'aloïne par scission d'un lien glycosidique, qui porte à la libération d'arabinose et d'aloe hémodine. Elle est présente dans l'exsudat de la feuille d'aloe, en plus de présenter les propriétés des anthraquinones déjà citées, elle vante d'importants effets antitumoraux surtout à l'égard de cellules précancéreuses et cancéreuses de certaines tumeurs, comme de nombreuses observations expérimentales in vitro et in vivo l'ont démontré. Aloïne. Il s'agit d'un principe actif présent de façon exclusive dans la plante officinale d'aloe, et constitué par différents dérivés glycosidiques d'anthraquinone. Il se présente sous forme de deux isomères indiqués comme aloïne A et B, dénomination de fantaisie de cette molécule considérée plus représentative de cette classe de composés, alors que d'autres dénominations sont utilisées pour l'indication de son exacte provenance d'autres variétés d'aloe. Ainsi, la molécule est indiquée par le terme barbaloïne, si elle dérive de l'aloe barbadensi, et socaloïne si elle dérive de l'aloe socotrine, etc. Elle a une action laxative mais aussi désintoxicante et antibiotique. Composé phénolique. Dans la plante d'aloe on a pu mettre en évidence différents composés phénoliques contenant le groupe du type cumarine et présent comme glucoside. Ces molécules démontrent une intense activité antioxydante, semblable à celle des tocophérols. L'aloésine A et l'aloésine B sont des molécules de nature phénolique présentes dans l'aloe. L'acide salicylique, substance bien connue de la pharmacopée officielle car, dans sa forme acétylée, elle constitue l'aspirine. Dans le jus de l'aloe, l'acide salicylique développe des fonctions antiseptiques, antidouleurs et anti-inflammatoires.